Exercice 12, page 65. J'ai des cartons partout. Pardon, mais je ne peux pas... Tout faire toute seule? Bien sûr, je peux t'aider si tu veux. Avec ma sœur, ça fera deux.